J'ai dit à ce Vauvinet de venir me voir demain, reprit Victorin en continuant. Mais se contentera-t-il de ma garantie hypothécaire? Je ne le crois pas. Ces gens-là veulent de l'argent comptant pour en faire suer des comptes usuraires. Vendons notre rente, dit Lisbeth à Hortense. Qu'est-ce que ce serait, 15 ou 16 000 francs? Répliqua Victorin. Il en faut 60. Chère cousine, s'écria Hortense en embrassant Lisbeth avec l'enthousiasme d'un cœur pur. Non, Lisbeth, gardez votre petite fortune, dit Victorin après avoir serré la main de la Lorraine. Je verrai demain ce que cet homme a dans son sac. Si ma femme y consent, je saurai l'empêcher, retarder les poursuites. Car voir attaquer la considération de mon père, ce serait affreux. Que dirait le ministre de la guerre? Les appointements de mon père, engagés depuis 3 ans, ne seront libres qu'au mois de décembre. On ne peut donc pas les offrir en garantie. Ce Vauvinet a renouvelé 11 fois les lettres de change. Ainsi, jugez les sommes que mon père a payées en intérêt. Il faut fermer ce gouffre. Si Madame Marneffe pouvait le quitter, dit Hortense avec amertume. Ah, Dieu nous en préserve, dit Victorin. Mon père irait peut-être ailleurs, et là, les frais les plus dispendieux sont déjà faits. Quel changement chez ces enfants naguère si respectueux et que la mère avait maintenu si longtemps dans une adoration absolue de leur père, il l'avait déjà jugé.